بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que ses éloges et la paix soient sur son serviteur, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ceux qui les auront suivis dans le bien, jusqu'au jour de la rétribution. Ce qui suit le résultat écrit de cours dispensés à la mosquée Abu Darda de Jijan pendant le Ramadan de l'an 1432. Ils portèrent sur le jeûne du mois de Ramadan. Ils ne sont pas le fruit d'une recherche scientifique ou d'une étude comparative des avis des différentes écoles de fiqh, mais plutôt le résumé des travaux du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala, notamment Al-Sharh al-Mumti' al-Azad al-Mustaqni' et d'autres ouvrages et livrets qui seront mentionnés, si Allah le veut, au fil des sujets abordés. Mon choix s'est orienté vers les travaux de ce Cheikh pour les raisons suivantes. Premièrement, il fait partie, selon le témoignage des hommes de science contemporains, des plus grands ulama de notre époque. Et comme on le dit, ce sont les gens de science qui sont aptes à déterminer qui sont les gens de science. Deuxièmement, il accorda beaucoup d'attention à la recherche des avis les plus justes, en se basant sur les preuves du Coran et de la Sunna dans les différentes questions religieuses sujettes à divergence. Et c'est là quelque chose d'important pour nous à notre niveau. En effet, étant donné que nous nous apprêtons, une fois encore, à jeûner le mois de Ramadan et à donc accomplir cette éminente adoration, et étant donné que nous ne sommes pas à proprement parler des étudiants en sciences, il était opportun de choisir les travaux d'un shir qui a fait le travail, un travail de sélection, et qui a cherché donc les avis les plus justes. Et il n'aurait pas forcément été opportun ici, dans ce contexte, de nous cantonner à un livre qui se limiterait à une école de fiqh particulière et dont l'auteur aurait cherché à exposer l'avis prédominant dans l'école et non pas à exposer l'avis qui se rapproche le plus des preuves religieuses. Étant donné que notre but, et j'insiste sur cela, c'est de connaître l'avis prépondérant, l'avis qui prévaut, bien que cela reste relatif. Et donc l'important ici, c'est de s'attacher aux preuves et de rechercher par là l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Troisièmement, il aborda des sujets propres à notre époque, qui concernent notre époque et qui sont apparus à notre époque et qui peut-être n'étaient pas apparus auparavant, ou qui n'était pas très répandu. Donc le Shir, il a abordé des sujets propres à notre époque et qui nous concernent donc directement. Je demande à Allah qu'il fasse de cela une œuvre pieuse, sincèrement vouée à lui, et qu'il en fasse profiter le lecteur, ainsi que l'auditeur. Je lui demande également qu'il fasse miséricorde au Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen et à l'ensemble des ulama de la Sunna, et qu'il les récompense pour l'islam et les musulmans. Qu'Allah récompense également les frères qui ont accepté de réviser ce modeste travail et qui m'ont fait part de leurs remarques. Et c'est là quelque chose de très important, le fait de s'entraider, le fait de se consulter mutuellement, surtout dans des affaires qui ont trait à la religion. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan » et entraidez-vous dans le bien et la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la turpitude. De même qu'il est important, voire impératif, de se consulter mutuellement et de demander à nos frères qui sont aptes à le faire de réviser, de relire, de corriger les modestes travaux que nous sommes menés à faire. Et comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui consulte ne sera jamais déçu. Qu'Allah récompense également les frères donc, qui ont accepté de réviser ce modeste travail et qui m'ont fait part de leurs remarques. Et que les éloges d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, l'ensemble de ses compagnons, ainsi que sa famille et ceux qui les auront suivis jusqu'au jour dernier. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc ce qui va suivre, c'est la lecture, ainsi que quelques brefs commentaires de ce modeste travail, qui est un travail de résumé et de traduction, comme j'ai pu le mentionner précédemment. Wallahu al-muwaffiq, et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui accorde la réussite, et c'est en lui qu'on s'en remet. Le premier chapitre, il est relatif à quelques notions sur le jeûne. Et il est composé de plusieurs sous-chapitres. Le premier concerne la définition du jeûne et ses piliers. J'ai pu y dire donc de manière résumée que le jeûne dans la langue arabe signifie l'abstention. Et ici, il est peut-être plus opportun d'opter pour le terme abstinence. Il convient donc ici d'apporter cette correction-là. Le jeûne dans la langue arabe signifie l'abstinence. Quant à son sens religieux, c'est s'abstenir de manger, de boire, ainsi que de l'ensemble des annulatifs du jeûne, du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Cette définition-là, qui concerne l'acception religieuse du terme As-Siyam, est composée de plusieurs points. S'abstenir de manger, de boire, ainsi que de l'ensemble des annulatifs du jeûne, que nous allons être menés à développer plus tard, Inch'Allah. À partir du lever de l'aube véridique, ce qui exclut la fausse aube, qui précède l'aube véridique, jusqu'au coucher du soleil. Et troisième point, troisième précision, avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Et c'est là une précision très importante, le fait qu'il faille impérativement avoir l'intention de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut savoir donc que le but à rechercher derrière le jeûne, c'est d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Ce principe éminent qui constitue d'ailleurs la sagesse pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. Il a dit dans son noble livre, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et derrière cette adoration-là, il faut chercher à concrétiser ce que l'on appelle التقوى, la crainte révérentielle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce de manière générale. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et c'est d'ailleurs là le premier ordre que nous trouvons dans le Coran, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui vous ont précédé, afin que vous fassiez preuve de crainte révérentielle. Et ce but-là est visé de manière plus particulière dans l'accomplissement du jeûne. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqoun. » Ô vous qui avez la foi, le jeûne vous a été prescrit, de même qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, afin que vous concrétisiez la crainte révérentielle. Donc le but recherché derrière la concrétisation de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le fait de faire preuve de crainte révérentielle vis-à-vis de lui. Et c'est d'ailleurs là la recommandation qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnée au premier et au dernier. Il a en effet dit subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهِ. Et nous avons certes donné la recommandation à ceux qui sont venus avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah de manière révérentielle. Et c'est d'ailleurs la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, adressé à sa communauté, qu'il dirigeait vers ses compagnons dans un premier temps, lorsqu'ils étaient parfois réunis, comme l'a rapporté Al-Irbad ibn Sariyah, radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a accordé une exhortation qui a fait frémir les cœurs et qui a fait pleurer les yeux. Nous avons alors dit, au messager d'Allah, c'est comme si c'était la recommandation de quelqu'un qui fait ses adieux. C'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Donne-nous donc une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors, je vous recommande la crainte révérentielle d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave abyssin, car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Jusqu'à la fin du hadith, on retrouve que la première des recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donna, c'est celle de faire preuve de crainte révérentielle vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est également la recommandation qu'il orientait vers ses compagnons de manière individuelle. Il a en effet dit à Mu'ad, radiyallahu anhu, crains Allah où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action par une bonne action, elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens de bonne manière. La première des recommandations consistait donc à dire à Mu'ad, crains Allah où que tu sois. Et cette recommandation, c'est également la recommandation que se donnait les pieux prédécesseurs de cette communauté, lorsque notamment une personne est venue voir Ibn Abbas radiallahu anhuma et lui a dit accorde-moi une recommandation, donne-moi une recommandation. Ibn Abbas radiallahu anhuma s'exécuta en lui disant je te recommande la crainte révérentielle d'Allah, la droiture et le suivi des traces de ceux qui t'ont précédé. Suis et n'innove pas dans la religion. La crainte révérentielle d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est que tu places entre toi et la punition, le châtiment, le courroux, la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, une barrière en accomplissant ce qu'il t'a ordonné et en t'écartant de ce qu'il t'a interdit. La crainte révérentielle d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est comme l'a dit Tariq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, le fait d'œuvrer par obéissance d'Allah, en se basant sur une lumière venant d'Allah, et en recherchant par là la récompense d'Allah. Et c'est s'écarter de la désobéissance à Allah, en se basant sur une lumière venant d'Allah, et en recherchant ou en craignant par là la punition d'Allah. Et d'ailleurs, bon nombre de gens de science ont dit de cette définition qui a été donnée par Talq ibn Habib que c'est là la définition qui est la plus précise parmi celles qui ont été données par les gens de science. Et d'autres définitions ont été données. Donc, il est important de rechercher par l'accomplissement de cette noble adoration qu'est le jeûne, le fait de concrétiser la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de la définition que nous avons mentionnée, nous pouvons aborder les piliers du jeûne. Les piliers du jeûne qui sont d'une part l'abstinence vis-à-vis de tous les annulatifs du jeûne, et d'autre part l'intention qui consiste à chercher par le jeûne à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, abordons la place du jeûne dans la religion. Il faut savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan en l'an 2 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc jeûné à 9 reprises le mois de Ramadan. Il est d'ailleurs ici intéressant de mentionner et d'attirer l'attention vers le fait que ces 9 mois de Ramadan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ont eu lieu durant une période estivale. Le jeûne du mois de Ramadan est le 4e pilier de l'islam. Nous remarquerons qu'Allah a diversifié les différentes adorations. En effet, certaines adorations sont purement corporelles. C'est le cas de la prière. D'autres sont uniquement liées à l'argent, comme la zakat, l'aumône obligatoire. Et d'autres sont à la fois du premier et du second type, comme le pèlerinage. Cette diversité est un moyen qu'Allah utilise afin d'éprouver ses serviteurs. Et ce, du fait que certaines personnes sont parfois plus facilitées à accomplir tel ou tel type d'adoration. Certains n'éprouvent aucune difficulté à multiplier les prières. Mais il est possible qu'en même temps, elles fassent preuve d'une certaine avarice et qu'elles aient du mal donc à dépenser de leur argent. Il est possible que d'autres soient plus généreuses, mais qu'elles éprouvent des difficultés à multiplier les prières. Et la diversité de ces adorations est donc un moyen qu'Allah utilise afin d'éprouver ses serviteurs, afin que se distingue celui qui réellement se soumet à Allah tabaraka wa ta'ala de celui qui en vérité n'accomplit que ce qui lui est aisé. L'ensemble des ulama de l'islam sont unanimes. Alors ici, peut-être qu'on apportera une légère correction et qu'on dira l'ensemble des ulama de l'islam est unanime. Au singulier, en accordant le verbe être à l'ensemble et en supprimant le S d'unanime. L'ensemble des ulama de l'islam est unanime sur le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan et sur le fait qu'il est un des piliers de l'islam. Cela est même nécessairement connu de la religion. Ainsi, celui qui le renie est un apostat et est donc sorti de l'islam. Comment nous en préserve ? Il est important de savoir que, contrairement à la prière, celui qui ne jeûne pas, tout en reconnaissant que le jeûne est un pilier de l'islam et que c'est une obligation, ne sort pas de l'islam. Nous dirons plutôt qu'il a commis un très grand péché et qu'il a mis sa religion en péril. Et cela nous mène justement à aborder le cas de la prière et de son délassement. Les savants sont unanimes quant au fait que celui qui nie le caractère obligatoire de la prière est un apostat, qu'il l'accomplisse ou qu'il ne l'accomplisse pas. Par contre, ils ont divergé concernant le statut de la personne qui reconnaîtrait le caractère obligatoire de la prière, mais qui, par paresse ou négligence, viendrait à la délaisser. Et l'avis qui prévaut, si Allah le veut, c'est que cette personne-là, bien qu'elle reconnaisse le caractère obligatoire de la prière, est en vérité sortie de l'islam. Le fait que l'on dise l'avis qui prévaut, l'avis prépondérant, est une manière de faire référence ou de faire allusion au fait qu'il y a une divergence dans la question. Et cette divergence-là est ancienne, au sein même des ulama de la sunna. Il n'est donc pas correct de taxer celui qui opterait pour l'autre avis, à savoir celui qui délaisse la prière par paresse ou par négligence n'est pas forcément mécréant, de taxer cette personne-là donc de murji, en disant qu'elle est tombée dans l'irja. En effet, ceux qui ont opté pour cet avis-là sont d'éminents savants de la sunna qui se sont basés sur des preuves. À partir de ce moment-là, cette question-là, cette divergence-là, est une divergence qui est acceptée et qui est tolérée. Et il n'est donc pas correct de taxer celui qui viendrait opter pour l'avis opposé d'être un mourdi. Wallahu al-muwaffiq. Quant aux jeunes donc, celui qui ne jeûne pas tout en reconnaissant que le jeûne est un pilier de l'islam et que c'est une obligation, il ne sort pas de l'islam. Par contre, il aura commis un très grand péché et il aura mis sa religion en péril, étant donné qu'il ne faut pas oublier, comme nous l'avons mentionné, que le jeûne du mois de Ramadan est un pilier parmi les piliers de l'islam, comme on le retrouve dans bon nombre de hadiths, notamment le célèbre hadith de Jibril, alayhi salam, ainsi que dans le hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhuma, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur 5, et parmi ces 5 il a cité le jeûne du mois de Ramadan. Autre point que nous abordons dans ce premier chapitre, les différents types de jeûne. Le jeûne est de deux types, obligatoire et surrogatoire. Le jeûne obligatoire est de trois sortes. Le jeûne du Ramadan, le jeûne d'expiation et le jeûne dû à un vœu. Nous traiterons ici, si Allah le veut, du jeûne du Ramadan et du jeûne surrogatoire. Et nous n'aborderons donc pas le jeûne d'expiation et le jeûne dû à un vœu. Et nous aurons peut-être l'occasion, dans un autre contexte, ultérieurement, incha'Allah ta'ala, d'aborder ces autres types de jeûnes obligatoires. Wallahu al-muwaffiq. Également, parmi les points à aborder dans ce premier chapitre, le mérite du jeûne du mois de Ramadan et ses sagesses qui apparaissent à travers certains textes du Coran et de la Sunna, notamment ce qu'Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie la nuit du destin. La nuit du destin, c'est-à-dire Laylat al-Qadr. Et il faut savoir que Laylat al-Qadr, c'est ce que l'on appelle la nuit du destin. Al-Qadr, ça peut avoir le sens donc du destin, étant donné que, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, durant Laylat al-Qadr est décrété tout ordre sage. Mais Al-Qadr désigne aussi la valeur. C'est pour cela que Laylat al-Qadr signifie la nuit du destin, mais également la nuit qui est dotée d'une grande valeur. C'est d'ailleurs pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit que Laylat al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Donc celui qui prie Laylat al-Qadr avec foi et espoir de la récompense, ses péchés lui seront pardonnés. Et celui qui jeûne Ramadan avec foi et espoir de la récompense, ses péchés lui seront pardonnés. Donc on retrouve ici l'importance de prier et de jeûner avec foi et espoir de la récompense, ce qui exclut le fait d'accomplir ces nobles adorations par simple routine, ou par simple tradition, ou par simple héritage. Mais il faut avoir à l'esprit que ce sont là des adorations que nous devons accomplir avec foi et espoir de la récompense. L'imam Muslim a rapporté d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit les 5 prières rituelles. La prière du vendredi jusqu'à celle du vendredi suivant. Le Ramadan jusqu'au suivant. Expie ce qu'il y a entre eux si les grands péchés sont écartés. On retrouve donc ici un des nombreux mérites du fait de jeûner pendant le mois de Ramadan. Parmi les sagesses du jeûne, et c'est quelque chose d'important à mentionner, bien que le fait de connaître les sagesses, ce n'est pas quelque chose duquel doit dépendre le fait de se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, le croyant, il a déjà à l'esprit que tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala légifère est empreint de sagesse et de science. Cependant, le fait de mettre en évidence les sagesses qui résident dans les différentes adorations est un moyen de faire augmenter la foi et la certitude de celui qui prendra connaissance de ces dernières. Parmi les sagesses du jeûne, la purification de l'âme. Parmi les sagesses du jeûne, le délassement de la vie d'ici-bas et de ses passions et le vif désir de l'au-delà et de ses délices. En effet, en délaissant ces choses-là que nous avons l'habitude de faire, manger, boire et ainsi de suite parmi tout ce qui nous est interdit, du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil, les jours de Ramadan, est un moyen de s'habituer à délaisser également les penchants de l'âme. Et c'est un moyen également de cultiver le vif désir que nous devons avoir de l'au-delà et des délices qui s'y trouvent. Car en effet, le croyant, lorsqu'il accomplit le jeûne, il recherche la récompense de cela auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'au-delà. Également parmi les sagesses du jeûne, la compassion envers les pauvres est nécessiteuse du fait que celui qui jeûne est amené à se rendre compte de ce que peuvent endurer les pauvres et nécessiteux tout au long de l'année, même en dehors du mois de Ramadan. Et c'est ainsi que le croyant éveillé, alerte, à l'esprit vif, fera le rapprochement et fera preuve donc de compassion vis-à-vis des pauvres et nécessiteux, ce qui le poussera à être généreux durant ce mois, mais également après. Wallahu al-musta'an. Autre point que nous pouvons aborder ici, concernant ce premier chapitre, et qui constitue des notions relatives au jeûne, les conditions de l'obligation du jeûne. Ces conditions sont au nombre de 6, nous allons les énumérer dans un premier temps, puis nous allons quelque peu les expliquer et les développer dans les quelques points qui vont suivre, et nous aurons également l'occasion d'en développer certains plus loin dans la lecture de ce livret, en demandant l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ces conditions sont au nombre de 6, l'islam, deuxièmement la puberté, troisièmement la raison, quatrièmement la santé ou la capacité, cinquièmement la résidence. Quant à la sixième condition, elle concerne la femme et consiste à être exempte du sang des règles et des lochis. Nous avons donc parlé du fait que l'islam est une des 6 conditions de l'obligation du jeûne. À partir de là, nous disons que le jeûne n'est pas obligatoire pour le mécréant. Et il n'est de toute façon pas valide venant de lui. C'est-à-dire que même s'il venait à le faire, ça ne serait pas valide et ça ne serait pas accepté de sa part. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et nous avons considéré ce qu'ils ont présenté comme œuvre et nous en avons fait de la poussière éparpillée. Donc même s'ils venaient à l'accomplir, le jeûne ne serait pas valide venant de lui. Et s'il embrasse l'islam, il ne sera pas tenu de rattraper les jours non jeûnés. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas concerné par cette obligation. Donc il y a une nuance à faire. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas concerné par cette obligation. En effet, les mécréants sont concernés selon l'avis le plus juste. Donc encore une fois, le fait de dire selon l'avis le plus juste, c'est une manière d'attirer l'attention vers le fait qu'il y a une divergence dans cette question-là. Les mécréants sont concernés selon l'avis le plus juste, si Allah le veut, par les obligations religieuses. Dans quel sens? Est-ce que le fait d'avancer que les mécréants sont concernés par les obligations religieuses signifie que nous allons dire aux mécréants avant même qu'ils n'aient embrassé l'islam qu'il doit prier, qu'il doit jeûner, qu'il doit s'acquitter de l'aumône obligatoire ou qu'il doit accomplir le pèlerinage? La réponse est non. En vérité, ce qui est voulu par là, c'est qu'en vérité, ils seront châtiés pour leur délaissement. Et c'est là le sens de la parole des ulama qui disent que les mécréants sont concernés par les obligations religieuses. C'est dans le sens qu'ils seront châtiés pour leur délaissement, pas dans le sens que nous devons leur demander de les accomplir alors qu'ils n'ont pas encore embrassé l'islam. Parmi les preuves de cela, à savoir le fait que les mécréants sont concernés par les obligations religieuses, dans le sens qu'ils seront châtiés pour leur délaissement, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate al-Muddathir, « Illa ashab al-yamin » في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. Sauf les gens de la droite. Dans des jardins, ils s'interrogeront au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière et nous ne nourrissions pas le pauvre. Donc on retrouve ici le fait que parmi ceux qui a acheminer les criminels à Saqar, le fait qu'ils ne faisaient pas la prière, et qu'il ne nourrissait pas le pauvre. Donc ce n'est pas le simple fait qu'il n'ait pas embrassé l'islam. Nous pouvons avancer également comme preuve que les musulmans, s'ils en viennent à délaisser certaines obligations, ils encourent le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. S'il en est ainsi, alors à plus forte raison, ceux qui ne sont pas musulmans et qui n'ont pas embrassé l'islam. Autre point à aborder dans ce sous-chapitre, et qui constitue en quelque sorte une explication de la deuxième condition que nous avons mentionnée, à savoir la puberté, le fait que le jeûne n'est pas obligatoire pour l'impubère. Cependant, il est valide venant de lui, à partir de l'âge du discernement, qui correspond environ à l'âge de 7 ans. Il est d'ailleurs recommandé que le responsable de l'enfant l'incite à jeûner, s'il en a la capacité, afin qu'il s'y habitue, et afin que lorsque le jeûne devient obligatoire pour lui, ce ne soit pas quelque chose de trop contraignant, mais qu'il ait plutôt déjà eu l'habitude d'accomplir cette adoration-là, même s'il ne le faisait pas durant tout le mois. Le garçon est considéré pubère par l'une des trois choses suivantes. La pilosité pubienne, donc ce sont les poils qui poussent autour du pubis, la sécrétion spermatique avec désir, l'âge de ses 15 ans. Ici d'ailleurs, il est important de suivre dans cela le calendrier lunaire et non pas le calendrier solaire. Et il y a un décalage entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Et vous n'êtes pas sans savoir, hafidhakumullah, que les musulmans se basent sur le calendrier lunaire. Et il faut savoir que l'enfant atteindra l'âge de ses 15 ans selon le calendrier lunaire avant de ne les avoir atteints selon le calendrier solaire. Donc il est important de prendre en considération ici le calendrier lunaire, qu'on appelle le calendrier arabe. Car si la pilosité pubienne ne s'est pas manifestée, de même que la sécrétion spermatique avec désir, et que l'enfant est arrivé à l'âge de ses 15 ans, alors à ce moment-là, les différentes obligations le deviendront le concernant obligatoire, et s'il ne les accomplit pas, il encourra le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est donc quelque chose auquel il faut être attentif. Ajoutons concernant la fille, la manifestation du sang des règles. La manifestation du sang des règles qui marquera également la puberté de cette dernière. Autre point qui nous renvoie à la troisième condition qui était la raison, et qui est l'occasion d'aborder le jeûne du fou et du démon. Le jeûne du fou et du démon n'est ni obligatoire ni valide. Et là, il y a plusieurs cas de figure. Et il y en a deux principaux. Le premier, c'est le cas de la personne qui aurait perdu la raison suite à un accident. Et le second, c'est le cas de la personne qui perd la raison de temps en temps. Le premier cas varie selon l'état de celui qui aura perdu la raison suite à un accident. Premièrement, si son état est similaire à celui de la personne qui s'est évanouie et qui est amenée à retrouver ses esprits, alors elle devra rattraper les jours non jeûnés, étant donné qu'elle sera apparentée ici à la personne qui s'est évanouie. Deuxième cas, s'il est comme celui de l'handicapé mental. C'est-à-dire que cette personne-là a subi un accident qui lui a fait perdre la raison à tel point qu'elle s'est retrouvée similaire à un handicapé mental. À ce moment-là, il ne lui incombera pas de jeûner. Donc il est impératif ici de déterminer l'état réel de la personne qui a perdu la raison. Nous avions dit que le deuxième cas de figure, c'est celui de la personne qui perd la raison de temps en temps. Cette dernière gênera les jours au cours desquels elle a sa raison, tandis que durant les autres jours, cela ne sera pas une obligation pour elle. Et cela est relativement clair. Walillahi alhamd. Autre point qui nous renvoie cette fois-ci à la quatrième condition, à savoir la santé ou la capacité, et qui nous mène à aborder le cas du malade. Il faut savoir qu'il existe deux cas de figure concernant le malade vis-à-vis du jeûne. Premier cas, celui dont la maladie est passagère. Deuxième cas, celui dont la maladie est incurable et qui ne peut pas jeûner. Et c'est important ici de préciser cela, et qu'il ne peut pas jeûner, car il est possible qu'une personne souffre d'une maladie incurable, mais que cette maladie-là ne l'empêche en rien de jeûner. Donc le premier cas, c'est celui dont la maladie est passagère. Si elle est légère, à tel point qu'elle ne l'empêche en rien de jeûner, alors il lui est obligatoire de jeûner. Par contre, si elle est plus importante et qu'elle influe sur sa capacité à jeûner, alors le malade a la possibilité de rompre et il rattrapera son jeûne plus tard. Donc concernant celui dont la maladie est passagère, il y a deux cas de figure envisageables. Le premier, c'est que cette maladie soit légère, à tel point qu'elle ne l'empêche en rien de jeûner. Alors il lui est obligatoire de jeûner, comme nous l'avons vu. Et le deuxième, c'est si cette maladie qui est passagère est plus importante et qu'elle influe sur sa capacité à jeûner. Alors le malade a la possibilité de rompre et il rattrapera son jeûne plus tard. Et nous n'avons pas abordé ici le cas de celui dont la maladie lui porterait préjudice si jamais elle choisissait de jeûner. Et si jamais ce préjudice est effectif, alors à ce moment-là, il est envisageable que le jeûne lui devienne interdit, si jamais cela met en péril sa santé. Et elle rattrapera cela plus tard, Inch'Allah ta'ala. Deuxième cas, celui dont la maladie est incurable et qui ne peut pas jeûner, comme nous l'avons dit, celui-là devra nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et nous verrons tout cela en détail, si Allah le veut, plus tard. Autre point qui nous renvoie à la cinquième condition, qui est la résidence, et qui nous amène à aborder le jeûne du voyageur. Il faut savoir que le jeûne n'est pas obligatoire au voyageur. Il a donc en toutes circonstances la possibilité de ne pas jeûner. D'ailleurs, les ulama sont unanimes sur ce point. Cependant, différents cas de figure existent. Et selon ces derniers, le jugement religieux du jeûne ou de sa rupture variera. De manière générale, nous disons que le préférable est ce qui est le plus aisé pour la personne. Et nous aborderons également le cas du voyageur en détail, si Allah le veut. Dernier point, qui nous renvoie à la sixième condition, qui était spécifique au cas de la femme, et qui consiste à ce qu'elle soit exempte du sang des règles et des lochis. Il nous permet d'aborder le cas de la femme en période de règles de lochis, et de dire qu'il est interdit de jeûner à la femme en période de règles ou de lochis. Alors les lochis, c'est un écoulement de sang qui fait suite à l'accouchement. Et nous pouvons rajouter ici, à cette brève définition que vous retrouvez dans la marge, que cet écoulement de sang peut également se manifester un ou deux jours avant l'accouchement. En effet, l'écoulement de sang sera considéré à ce moment-là comme faisant partie des lochis s'il est accompagné de contractions. S'il est accompagné de contractions. Donc, on retient ici plusieurs points concernant l'écoulement de sang qui se manifeste avant l'accouchement. Si jamais il a lieu un ou deux jours avant l'accouchement. Pas avant, un ou deux jours avant. Et qu'il est accompagné de contractions, alors il sera considéré comme étant Teloshi. Et à ce moment-là, la femme n'aura pas à prier et n'aura pas à jeûner. Autre point important qui constitue un des sous-chapitres de ce premier chapitre concerne la confirmation de l'entrée du mois de Ramadan et de sa fin. Et nous allons aborder ici plusieurs points très importants et il convient d'être attentif et de bien les assimiler. Wallahu al-muwaffiq. Premier point, l'entrée du mois de Ramadan est effective par la vision du croissant de lune. Que la personne le voit d'elle-même ou en se basant sur le témoignage d'un tiers. Ceci est donc lié à quelque chose de visible et concret. Il n'est donc pas correct de se fier à d'éventuels calculs. La vision du croissant de lune peut se faire à l'œil nu ou à l'aide de différents moyens technologiques existants. Donc ici, nous avons abordé le premier moyen qui permet d'établir, de déterminer, de confirmer l'entrée du mois de Ramadan. Et ce premier moyen-là, c'est le fait de voir le croissant de lune marquant l'entrée du mois de Ramadan ou de se baser sur le témoignage d'un tiers qui a vu ce croissant de lune. Abordons à présent le cas du témoignage, car il est important de savoir de qui le témoignage est pris en considération. Le témoignage n'est accepté que d'un musulman digne de confiance. Un musulman digne de confiance. Le fait de dire qu'il est digne de confiance implique la fiabilité d'une part et la capacité d'une autre. Et quand nous parlons de la capacité, nous visons par là la bonne vue. Donc une personne qui serait fiable, intègre, mais qui ne bénéficierait pas d'une bonne vue, verrait son témoignage rejeté. De même qu'une personne bénéficiant d'une bonne vue, mais n'étant pas connue pour être fiable, intègre, verrait son témoignage rejeté. Et il est une nuance à apporter concernant ce dernier point. Une personne est considérée digne de confiance lorsqu'elle s'acquitte de ce qui est obligatoire, ne commet pas de grands péchés et ne perdure pas dans l'accomplissement des petits péchés. C'est là, donc, la définition du digne de confiance. S'acquitte de ce qui est obligatoire religieusement, ne commet pas de grands péchés et ne perdure pas dans l'accomplissement des petits péchés. Donc à la base, c'est de cette manière-là que nous définissions celui qui est digne de confiance. Ceci dit, et c'est là qu'intervient la nuance à laquelle j'ai fait allusion précédemment. Il y a une différence à faire entre les témoignages dans les litiges, dans lesquels le mensonge est fréquent. Les litiges, c'est-à-dire les désaccords liés aux biens. Un tel prétend qu'un tel l'a spolié de ses biens. Un tel prétend qu'un tel l'a floué dans un commerce, dans l'acquisition d'un bien, dans un prêt d'argent, et tout ce qui s'apparente à cela. Donc il y a une différence à faire entre les témoignages dans les litiges dans lesquels le mensonge est fréquent, étant donné qu'il y a ici un intérêt à mentir. Et les témoignages dans les affaires religieuses où le mensonge est moins. Pourquoi le mensonge est moins fréquent dans les témoignages relatifs aux affaires religieuses, étant donné qu'il n'y a pas d'intérêt apparent à mentir. Musulman n'a pas d'intérêt particulier à prétendre avoir vu le croissant de lune du mois de Ramadan, alors qu'il ne l'a pas vu. C'est pour cela que nous serons moins rigoureux concernant L'acceptation des témoignages dans les affaires religieuses où le mensonge est moins fréquent. Le fait de dire que nous sommes moins rigoureux ne signifie pas que nous sommes laxistes. C'est pour cela que nous avons dit ici que le témoignage du musulman prétendant avoir vu le croissant lunaire sera accepté selon les circonstances. Et pas de manière absolue, selon les circonstances. Si aucun indice ne fait craindre qu'il mente ou ne se trompe. Donc nous prendrons quand même en considération les indices. Et s'il nous apparaît que malgré tout, cette personne-là a peut-être été amené à mentir ou à se tromper, alors nous ne prendrons pas en considération son témoignage. Autre point à aborder ici qui nous permet d'aborder le deuxième moyen de confirmer l'entrée du mois de Ramadan, et qui concerne le cas où le croissant de lune n'a pas été vu au cours de la 29e nuit de Sha'ban. C'est-à-dire, la 29e nuit, c'est la nuit du 29 au 30 de Sha'ban. Si jamais le croissant de lune a été vu, le mois de Sha'ban aura été de 29 jours. Et il faut savoir que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mois, il est de 29 ou de 30. C'est-à-dire, il est de 29 ou de 30 jours. Donc, si le croissant de lune n'est pas vu au cours de la 29e nuit de Sha'ban, c'est-à-dire la nuit du 29 au 30 de Sha'ban, alors le mois sera de 30 jours. Et nous jeûnerons le surlendemain. Donc, nous compléterons Sha'ban. Et il sera de 30 jours. Et nous jeûnerons le surlendemain, étant donné que le surlendemain, ce sera à coup sûr le mois ou le premier du mois de Ramadan. Les deux moyens qui viennent d'être mentionnés sont les seuls pris en compte. Le premier moyen, donc, je le répète, c'est le fait de voir le croissant de lune marquant l'entrée du mois de Ramadan durant la nuit du 29 au 30 de Sha'ban, ou de se baser sur le témoignage d'un tiers musulman et djinn de confiance. Et le deuxième moyen, c'est que si jamais le croissant de lune n'a pas été vu à ce moment-là, consiste à compléter Sha'ban et de le considérer comme comportant 30 jours, et à ce moment-là, commencer à jeûner le surlendemain, qui sera à coup sûr le premier du mois de Ramadan. Les ulémas ont divergé concernant le statut du jeûne du jour au cours duquel des nuages ou de la poussière ou toute chose similaire s'interposerait entre les serviteurs d'Allah et la vision du croissant lunaire du mois de Ramadan. 7 avis ont été avancés. Le plus juste, si Allah le veut, étant qu'il est interdit de jeûner dans ce cas-là. Les preuves de l'interdiction sont ce qu'a rapporté l'imam muslim dans son recueil authentique et d'après Abu Huraira. Selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Ne devancez pas Ramadan en jeûnant un jour ou deux, sauf quelqu'un qui aurait l'habitude d'un jeûne alors qu'il l'accomplisse. » Prouve cela également ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique de manière suspendue, mu'allaq. Le hadith suspendu, mu'allaq, c'est celui dont le début de la chaîne de transmission, c'est-à-dire le début à partir de l'auteur du recueil, en l'occurrence ici l'imam al-Bukhari, celui dont le début de la chaîne de transmission n'est pas mentionné par l'auteur du livre. Et il faut savoir que le recueil authentique de l'imam al-Bukhari comporte un certain nombre de hadiths suspendus. Et l'imam al-Bukhari avait ses raisons dans cela. Ces raisons qui ont été expliquées par l'érudit Ibn Hajar al-Asqalani dans l'introduction de son commentaire du recueil authentique de l'imam al-Bukhari intitulé Fath al-Bari. L'introduction ayant pour nom Hadyu al-Sari, Et l'érudit Ibn Hajar a d'ailleurs fait mention de la quasi-totalité de ces chaînes de transmission en les complétant, et ce dans son livre Fath al-Bari, que je viens de mentionner, ainsi que dans un livre qui est spécifique à ce sujet-là et qui s'intitule Tarliq al-Ta'liq. Donc l'imam al-Bukhari, dans son recueil authentique, il a rapporté de manière suspendue d'après Ammar ibn Yasir que celui qui jeûne le jour du doute a désobéi à Abu al-Qasim. Et Abu al-Qasim n'est autre que le prophète Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu al-Qasim étant sa kunya, al-Qasim étant son premier fils. Donc Ammar ibn Yasir a dit celui qui jeûne le jour du doute a désobéi à Abu al-Qasim. Et du fait que cela ne peut pas avoir été prononcé par Ammar selon sa propre opinion, cette sentence énoncée par Ammar ibn Yasir a donc la valeur d'un hadith prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, si le gouverneur statue de l'entrée du mois, alors il est obligatoire de le suivre dans cela et de jeûner avec lui. Il est une distinction à faire entre ce cas de figure, c'est-à-dire le cas où le gouverneur statuerait de manière religieusement légitime de l'entrée du mois, et le cas où le gouverneur serait d'avis qu'il est obligatoire de jeûner le jour du doute. Et nous avons fait allusion précédemment au fait qu'il y a plusieurs avis concernant le statut du jour du jeûne en ce jour. En effet, il ne conviendrait alors pas de jeûner d'une part. Et d'autre part, il ne faudrait pas laisser apparaître ouvertement la divergence avec le dirigeant. Donc, on se retrouve ici avec deux cas de figure. Le cas du gouverneur qui, d'une manière qui est religieusement légitime, statue de l'entrée du mois. Et le cas du gouverneur qui serait d'avis qu'il est obligatoire de jeûner le jour du doute et qui confirmerait ainsi l'entrée du mois de Ramadan, alors que en réalité, nous devons considérer que nous sommes le 30 de Sha'ban. Dans le premier cas, nous devons impérativement suivre le dirigeant. Dans le second, nous ne le suivons pas. Dans le sens où nous ne jeûnons pas avec lui, mais nous ne faisons pas ouvertement apparaître cela. Et ce, afin de préserver le rang du dirigeant. Et c'est là quelque chose de très important. Car le dirigeant musulman occupe, dans la religion de l'islam, au sein de la communauté musulmane, une place très importante. Et il est strictement interdit de se soulever contre lui. Et il est donc opportun ici de ne pas laisser apparaître la divergence afin de ne pas, au final, amoindrir dans l'esprit des gens la place que doit occuper le dirigeant dans leur cœur. Autre question, sujet à divergence, qui concerne le cas où les habitants d'un pays auraient vu le croissant lunaire, alors que ceux d'un ou de plusieurs autres pays ne l'ont pas vu, ou ne l'auraient pas vu. Quatre avis ont été émis par les ulama. Le plus juste, si Allah le veut, étant que la vision du croissant lunaire ne rend le jeûne obligatoire que pour les gens du pays concerné, et ceux des pays partageant les mêmes points d'apparition de la lune. Donc ici on se retrouve face à un cas de figure qui est très courant en vérité. Les habitants d'un pays ont constaté l'apparition de la nouvelle lune. marquant l'entrée du mois de Ramadan. Et les habitants d'autres pays ne l'ont pas vu. Est-ce que la vision des premiers rend obligatoire au second de jeûner également? 4 avis ont été émis concernant cela. Le plus juste, si Allah le veut, étant que la vision du croissant lunaire ne rend le jeûne obligatoire que pour les gens du pays concerné et ceux des pays partageant les mêmes points d'apparition de la lune. Donc concernant notre question et concernant le cas des habitants du second pays, nous dirons que la vision des premiers leur rendra obligatoire le jeûne dans le cas où ils partagent les mêmes points d'apparition de la lune. Et si ce n'est pas le cas, alors leur vision ne leur rendra pas obligatoire cela. Les preuves de cet avis sont les suivantes. La parole d'Allah, donc quiconque parmi vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Or celui qui n'est pas résident, avec un E au lieu d'un A, comme on le trouve ici, or celui qui n'est pas résident dans l'endroit où le croissant lunaire a été aperçu, ni dans un pays partageant les mêmes points d'apparition de la lune, n'est pas concerné par ce verset. Deuxièmement, le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Jeûnez à sa vue et rompez à sa vue », comme cela a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Jeûnez à sa vue et rompez à sa vue, c'est-à-dire à la vue du croissant lunaire. Or, les habitants d'un pays qui n'ont pas vu le croissant lunaire et qui ne partagent pas les mêmes points d'apparition de la lune avec le ou les pays dans lesquels la nouvelle lune aurait été aperçue par les habitants ne sont pas considérés comme l'ayant vu et il ne leur est donc pas demandé de jeûner. Troisièmement, ce qu'a rapporté l'imam muslim dans son recueil authentique d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que Umm al-Fadl, bint al-Harith, envoya Kureyb à Muawiyah. Muawiyah, qui se trouvait au Sham, qu'Allah les agrée tous. Qu'il agrée Ibn Abbas, son père, qu'il agrée Umm al-Fadl, ainsi que Kureyb et Muawiyah, radiyallahu anhum ajma'in. Muawiyah se trouvait au Sham, la région de la Syrie. Lorsqu'il revint en Médine à la fin du mois, c'est-à-dire Kureyb, Ibn Abbas le questionna au sujet du croissant lunaire. Il lui dit alors, c'est-à-dire Kureyb, nous l'avons vu la nuit du vendredi. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lui répondit, quant à nous, nous l'avons vu la nuit de samedi. Nous continuerons donc de jeûner jusqu'à ce que nous complétions 30 jours ou que nous le voyons. Il lui répondit, c'est-à-dire Kureyb a répondu ici à Ibn Abbas, la vision de Muawiyah et son jeûne ne nous suffisent-ils pas? C'est-à-dire le fait que Muawiyah ait vu la lune la nuit de vendredi et qu'il ait donc commencé à jeûner en conséquence, ne nous suffit-il pas afin que nous le suivions dans cela? Ibn Abbas dit alors non. C'est comme ça que nous a appris le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appris à ses compagnons qu'ils doivent jeûner s'ils ont vu la nouvelle lune marquant l'entrée du mois de Ramadan ou s'ils partagent les mêmes points d'apparition de la lune qu'un ou plusieurs pays dans lesquels le croissant lunaire aurait été vu. Donc nous avons abordé ici une preuve tirée du Coran, Coran, une autre tirée de la Sunna et une autre tirée des paroles des compagnons qui en vérité fait ici état et expose la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là encore, ça a la valeur d'un hadith prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous pouvons également mentionner comme preuve l'analogie al-qiyas. Et il faut savoir que les preuves prises en compte dans la religion sont de plusieurs types. Elles ont été résumées dans deux vers de poésie par Hafid al-Hakami qui a dit Adillatu shar'i sharifi arba'a wa ahkamu ayin sunnatun muttaba'a wa thalithu al-ijma'u haythu yanjali wa rabi'u al-qiyas wa khusus al-jali. Un verset du Coran, un hadith de la Sunna, le consensus, al-ijma', et quatrièmement, al-qiyas, l'analogie. Ici, nous retrouvons trois de ces quatre preuves. Quant à la troisième, al-ijma', nous ne la retrouvons pas ici, étant donné que nous avons dit qu'il y a divergence dans la question. Abordons de manière résumée l'analogie, al-qiyas. On trouve ici en note que c'est une preuve religieuse consistant à établir un verdict commun entre une chose nouvelle qui se produit pour la première fois et dont on ignore le verdict, et une chose au sujet de laquelle il y a un texte révélé qui est explicite et clair, et dont on connaît le verdict, à cause d'une caractéristique les réunissant. Cette notion est abordée dans les livres des fondements du fiqh. Donc nous retrouvons parmi les composantes de cette définition le fait qu'il y ait une chose nouvelle qui se produit pour la première fois et dont on ignore le verdict qui se présente. Deuxièmement, le fait qu'il y ait une chose au sujet de laquelle il y a un texte révélé qui est explicite et clair et dont on connaît le verdict. Troisièmement, le fait qu'il y ait une cause, ou plutôt, excusez-moi, une caractéristique qui les réunit. Et quatrièmement, et c'est ce que nous retrouvons au tout début de la définition, le fait d'établir un verdict commun, en se basant justement sur cette caractéristique les réunissant. Et afin d'expliquer cette notion-là, on va citer un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun juge ne tranche entre deux opposants alors qu'il est en état de grande colère. Donc ici nous retrouvons une chose au sujet de laquelle il y a un texte révélé qui est explicite et clair et dont on connaît le verdict. À savoir le fait que le juge tranche entre deux opposants alors qu'il est en état de grande colère. Et le verdict en question, c'est que c'est interdit. Et la cause, c'est justement le fait qu'il soit dans un état de grande colère et que cet état-là va l'empêcher d'être impartial et équitable. Maintenant, nous nous posons la question concernant le fait que le juge tranche entre deux opposants alors qu'il est affamé, alors qu'il est assoiffé, ou alors qu'il est par exemple en état de grande joie. Et nous nous posons la question, est-ce qu'il est parmi au juge de trancher entre deux opposants alors qu'il est dans cet état-là. Et nous nous rendons compte qu'il y a entre ces états-là et l'état de grande colère une caractéristique commune, à savoir le fait d'être dans un état qui empêche d'être impartial et d'être équitable. À partir de ce moment-là, nous dirons que le fait que le juge tranche entre deux opposants alors qu'il est affamé, assoiffé ou en état de grande joie est interdit par analogie avec le cas où il est en état de grande colère. Revenons maintenant à la question du jeûne. L'analogie prouve également cela, c'est-à-dire ce que nous avons mentionné au préalable. Concernant le cas où les habitants d'un pays auraient vu le croissant lunaire, alors que ceux d'un ou de plusieurs autres pays ne l'auraient pas vu. En effet, de la même façon que les musulmans divergent chaque jour dans leurs heures de jeûne et de rupture, il est logique qu'ils divergent dans cela à l'échelle mensuelle. Chaque jour, les musulmans ne commencent pas à jeûner au même moment. nous ne commençons pas à jeûner au même moment en France qu'en Australie. Et nous ne rompons pas le jeûne le soir au même moment que peuvent le faire nos frères et sœurs d'Australie. Et de la même façon que nous divergeons chaque jour dans nos heures de jeûne et de rupture, il est logique que nous divergions dans cela à l'échelle mensuelle. Autre point que nous abordons suite à cela, les minorités musulmanes vivant en pays mécréant. Comment doivent-elles agir étant donné qu'elles n'ont donc pas de dirigeants à proprement parler, de gouverneurs, qui statuent de l'entrée du mois de Ramadan. Donc les minorités musulmanes vivant en pays mécréant suivent le centre islamique principal s'il existe. Sinon, ils ont le choix, sachant qu'en ce moment-là, l'idéal est qu'ils suivent le pays musulman le plus proche. Et ici, donc, vous pouvez trouver en note un point très important qui est d'actualité. Il se peut que certaines instances représentatives des musulmans en France statuent de l'entrée du Ramadan en se basant sur des calculs astronomiques. Or, nous avons vu que ce n'est pas un moyen légiféré par la religion. Il convient donc, dans ce cas spécifique, de poser la question aux gens de science pour connaître le comportement à adopter. C'est d'ailleurs ce qu'a fait un frère de mérite, Jazakallahu Khaira, qui a envoyé une question par les moyens contemporains de communication, honorable Cheikh Mohammed ibn Omar Bazmoul, qu'Allah le préserve, en lui disant « Le centre islamique représentatif des musulmans de France a annoncé publiquement il y a quelques jours la date de début du mois de Ramadan, ainsi que celle de sa fin, se basant en cela sur le calcul astronomique. Nous est-il imposé de les suivre dans cela ou non? Et si la réponse est négative, que devons-nous faire alors afin d'éviter toute divergence ?» Remarque, je sollicite également votre accord afin de traduire votre réponse en langue française et de la publier, car certes, les frères là-bas attendent. Apportez-nous votre contribution profitable, qu'Allah vous rétribue en bien. La réponse du Shir fut la suivante. Il n'est pas permis de se fier au calcul astronomique pour déterminer l'entrée du mois de Ramadan, et ce qu'il vous incombe est de vous baser sur la simple vision oculaire, observée dans votre pays, ou dans le voisin le plus proche, ou bien en suivant la vision observée en Arabie Saoudite. Disant cela, si la vision concorde avec leurs calculs, alors le problème est clos. Au cas contraire, l'entrée du mois déterminée par le calcul astronomique ne vous incombe en rien. Ceci dit, ne manifestez pas ouvertement ce désaccord. S'il vous enjoint de jeûner avant que la vision ait été effectivement observée, alors ne laissez pas apparaître que vous ne jeûnez pas. Et s'il retarde l'entrée du mois après que la vision soit effective, alors dissimulez votre jeûne et c'est d'Allah qu'est imploré l'aide. Fin de la réponse du Shir, traduite par le frère Daoud Abu Ismail Al-Andalusi, qu'Allah le récompense, qu'il récompense le Shir et qu'il récompense également le questionnaire, Hafidhahumullah. La fin du mois de Ramadan est marquée par la vision du croissant lunaire du mois de Shawwal. Donc le mois de Ramadan, c'est le 9e mois. Le 8e, c'était le mois de Sha'ban. Et le 10e, c'est celui de Shawwal. La fin du mois de Ramadan est marquée par la vision du croissant lunaire du mois de Shawwal par deux musulmans dignes de confiance. Donc ici, nous trouvons une différence entre la détermination du début du mois de Shawwal et la détermination du début du mois de Ramadan. Et en vérité, cette différence-là concerne l'ensemble des mois de l'année qui divergent dans cela avec le mois de Ramadan. En effet, nous avions vu précédemment que le simple fait qu'un musulman digne de confiance ait vu la nouvelle lune marquant l'entrée du mois de Ramadan suffit. Et la preuve de cela, c'est ce que l'imam Abu Daoud a rapporté d'après Ibn Omar, radiallahu anhuma, qui a dit « Les gens ont cherché à voir le croissant lunaire C'est-à-dire, il fait référence ici au début du mois de Ramadan. J'ai alors informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je l'avais vu. Il commença dès lors à jeûner et ordonna aux gens de le faire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est basé sur le témoignage d'un seul musulman digne de confiance qui n'était autre qu'Ibn Omar radiyallahu anhuma. Alors que concernant les autres mois, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a rapporté dans son musnad, d'après un certain nombre de compagnons, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque deux témoins ont témoigné, alors jeûnez ou rompez. Donc de manière générale, nous disons que deux témoins sont requis afin de marquer l'entrée d'un mois et de marquer sa fin. Et l'exception concerne Ramadan, et cette exception-là est basée sur le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud d'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma. Lorsque 30 jours du mois de Ramadan se sont écoulés, il convient d'arrêter le jeûne, même si le croissant lunaire de Shawwal n'a pas été vu. Et ce, étant donné que, comme nous l'avons vu précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le mois c'est 29 ou 30. Donc le mois ne peut pas excéder 30 jours. Celui qui débute le jeûne du Ramadan dans un pays, puis voyage vers un pays où ses habitants ont commencé à jeûner après son pays d'origine, et qui aura jeûné 30 jours, et qui n'aura pas vu le croissant lunaire dans son pays de destination, jeûnera avec les habitants du pays dans lequel il se trouve, et ce selon l'avis le plus correct, si Allah le veut. Ce cas-là, c'est le cas d'une personne qui, par exemple, se trouverait en France et qui commencerait à jeûner tel jour, puis qui se rendrait dans son pays d'origine, au Maroc, ou en Algérie, ou bien en Tunisie, ou autre, parmi les pays musulmans, par exemple, et qui se rendrait compte que les habitants de son pays, dans lequel il est revenu pendant le mois de Ramadan, ont commencé à jeûner un jour après lui. Et lui, il est amené à passer le mois de Ramadan dans son entièreté dans ce pays en question. Et il s'avère que les habitants de ce pays, qui ont commencé donc à jeûner un jour après lui, jeûne 30 jours du mois de Ramadan. Ce qui signifie que le 30e jour les concernant sera le 31e le concernant à lui. Que doit-il donc faire ce jour-là? La réponse, c'est qu'il jeûnera avec les habitants du pays dans lequel il se trouve. Et son 31e jour de jeûne sera considéré comme étant un jeûne surérogatoire. Et c'est là l'avis le plus correct, si Allah le veut, et c'est là donc à nouveau une manière de faire référence à la divergence dans cette question-là. Certains savants, en effet, disent que celui qui se retrouverait dans cette situation-là ne jeûnerait pas ce 31e jour, mais ferait en sorte de ne pas laisser apparaître de divergence, et s'il mange donc, il le fera de manière discrète. Et le raisonnement analogique appuie l'avis pour lequel nous avons opté. Et ce, car son cas est similaire à celui qui voyage vers un endroit où le soleil se couche plus tard que dans la région de laquelle il provient. Or, ce dernier doit rompre à l'heure du coucher du soleil de l'endroit dans lequel il se trouve. Admettons que nous commençons à jeûner ici dans le sud de la France. Et que durant cette journée-là, bien que nous sommes en voyage, nous options pour le fait de ne pas rompre. Et que nous voyageons vers le nord de la France. Et il est connu que dans le nord de la France, les musulmans sont menés à rompre le jeûne plus tard que dans le sud. il n'y a pas de doute que cette personne qui se retrouvera en voyage va rompre à l'heure à laquelle vont rompre les musulmans dans le nord de la France. Et il ne va pas rester sur la base de l'horaire qu'il connaît dans le sud. Et ce cas est similaire au cas que nous avons mentionné précédemment. C'est pour cela que nous disons que celui qui débute le jeûne du Ramadan dans un pays, puis voyage vers un pays où ses habitants ont commencé à jeûner après son pays d'origine, et qui aura jeûné 30 jours, et qui n'aura pas vu le croissant lunaire dans son pays de destination, jeûnera avec les habitants du pays dans lequel il se trouve, et ce selon l'avis le plus correct, si Allah le veut. Dernier point que nous abordons dans ce premier chapitre, c'est le moment de l'intention du jeûne et son jugement religieux. Il faut savoir qu'il est obligatoire d'avoir l'intention de jeûner pendant la nuit qui précède le jeûne obligatoire, même si cela n'a lieu qu'une minute avant l'aube. Et l'intention implique la ferme résolution, elle n'accepte donc pas l'hésitation. Important. Il est fréquent en début de mois que l'hésitation survienne chez ceux qui ne savent pas si le lendemain sera un jour de jeûne ou pas. Cela n'est pas considéré comme une hésitation dans l'intention, mais est plutôt dû à l'absence de certitude de l'entrée du mois. Celui, donc, qui dirait « Si demain est un jour de jeûne, alors je jeûnerai, sinon non, ne verrai pas son jeûne invalide. » Donc, il est impératif d'avoir l'intention de jeûner pendant la nuit qui précède le jeûne obligatoire, même si cela n'a lieu qu'une minute avant l'aube. Et l'intention, ça implique la ferme résolution et n'accepte donc pas l'hésitation. Elle n'accepte donc pas l'hésitation, excusez-moi. L'hésitation qui est visée ici dans un premier temps, c'est le fait que la personne sache qu'elle doit jeûner étant donné que le mois de Ramadan, en l'occurrence, va commencer, mais elle hésite. Est-ce qu'elle jeûne ou est-ce qu'elle ne jeûne pas ? Elle n'aura donc pas eu l'intention de jeûner étant donné que l'intention, c'est la ferme résolution. Par contre, si cette hésitation est liée au fait que la personne ne sait pas si concrètement le mois de Ramadan a commencé ou pas, et qu'elle se dit donc, si demain c'est Ramadan, alors je jeûne, sinon non, alors cette hésitation-là ne remettra pas en question son intention, ne remettra pas en question sa ferme résolution. Et cela est très fréquent en réalité. En outre, le simple fait de manger le repas d'avant l'aube, suhur, est suffisant, puisqu'il indique clairement que la personne a l'intention de jeûner. D'ailleurs, ici, il faut supprimer l'accent sur le « a », que la personne a l'intention de jeûner. Il est important de placer son intention de jeûner après le lever de l'aube. Excusez-moi, il est permis de placer son intention de jeûner après le lever de l'aube pour le jeûne surérogatoire, à condition de ne pas avoir mangé ni bu et de n'avoir commis aucun annulatif du jeûne. Dans ce cas-là, la personne sera récompensée en fonction de ce qu'elle aura jeûné et ne bénéficiera pas de la récompense du jeûne du jour entier. Donc il y a une distinction à faire entre le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Quant au jeûne obligatoire, il est impératif d'avoir eu l'intention de l'accomplir la nuit précédant le jeûne, même si cela n'a lieu que quelques instants avant le lever de l'aube. Par contre, concernant le jeûne surérogatoire, ce n'est pas là une condition. En effet, l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, a rapporté d'après Aïcha radiallahu anha, qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté à certaines de ses épouses et a demandé s'il y avait à manger, et la réponse fut négative. Il a alors dit « Je suis donc jeûneur. »« Je suis donc jeûneur. » Et c'était là un moyen d'informer et d'annoncer. Et cela ne correspond en rien à la formulation de l'intention par la langue. Car l'intention, sa place, c'est dans le cœur. Et le fait de la prononcer avec la langue, c'est une innovation. Terminons ce chapitre par une question importante, nous menant à dire qu'il suffit, selon l'avis le plus juste, de placer son intention pour l'ensemble du mois au cours de la nuit précédant le premier jour du Ramadan. Cependant, il est recommandé de renouveler cela avant chaque jour. Concernant celui qui voyage au cours du mois de jeûne, il devra replacer son intention à son retour, avant de reprendre le jeûne. Important, nous venons de voir que l'intention de jeûner l'ensemble du mois est suffisante. Se basant sur cela, si une personne venait à dormir après la prière de l'Asr et ne se réveillerait qu'après l'aube du lendemain, son jeûne serait valable. Si elle a eu l'intention de jeûner tout le mois avant l'entrée de ce dernier. Et c'est donc par cette question-là que nous achevons la lecture de ce premier chapitre et nous continuerons plus tard avec le second relatif aux excuses permettant la rupture et également aux annulatifs du jeûne. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.